Tout en répondant aux questions de son vieil ami, le bonhomme ne faisait, comme on dit, que tordre et avaler. Et Paul admirait ce vieillard de 75 ans qui n'avait pas l'air de savoir ce que c'est qu'une indigestion. « Ah, ce sera un beau parti que ma petite Vénus de Fabrègue soupira l'estrigou en faisant clapper sa langue, après avoir vidé son verre d'un trait. « Vénus, diable, comme tu y vas, elle est donc bien belle ?»« Comme la mère des amours, si elle n'a pas changé. » »« Eh, eh, changé, ça arrive aux jeunes comme aux vieilles. Combien y a-t-il de temps que tu ne l'as vue ?»« Il y aura 6 ans au vendange qu'elle est partie de Fabrègue avec mademoiselle des Marcillargues, qui s'est mariée à Montpellier 6 mois après, et qui l'a emmenée à Paris. Ça fait donc à peu près 5 ans, mais j'y suis bien sûr qu'elle est restée la même. Les filles des chez nous ne sont pas comme les parisiennes, des déjeuners de soleil. Ma petite amie d'autrefois sera belle tant qu'elle vivra. L'estrigou, mon bon, le patriotisme t'égare. Les languedociennes vieillissent comme les autres, et quelquefois même plus vite. À Toulouse, on en voit sur les portes qui sont ridées comme des pommes cuites et qui n'ont pas 40 ans. Je ne dis pas ça pour ton héritière, qui n'en a que 20. 22, les mois prochains. Mais j'ai été garanti qu'elle est charmante. Une brune avec une épaule qu'on dirait qu'elle est bon Dieu s'est amusée à l'adorer avec un rayon des soleils. Elle serait noire comme une taupe qu'elle trouverait des amoureux avec ses 6 millions. Mais dis-moi, quelle éducation a-t-elle reçue dans ce village de Fabrègue ? Excellente, mon cher. Feu Marcillargues, les pères, l'avaient prise en amitié quand elle était toute petite. Elle passait toutes ses journées au château et avait les mêmes maîtres que mademoiselle. Elle sait l'anglais, elle chante dans la perfection et elle est de première force sur les pianos. Le piano, je l'en dispenserai, dit en riant Bardin, qui n'aimait pas la musique. Mais comme ce n'est pas moi qui l'épouserai, je m'en console. Maintenant, parle-moi un peu de sa protectrice qui lui a fait apprendre tant de belles choses. Elle est donc revenue à Paris après avoir beaucoup voyagé. Oui, elle demeure dans les quartiers des Champs-Élysées. Comment s'appelle-t-elle de son nom de femme? Est-ce que je ne l'ai pas écrit? Alors c'est qui? J'ai oublié. Elle est marquise des Ganges, dès par son mariage. À ce nom lâché ex abrupto par le ci-devant bâtonnier de Montpellier, Paul tressaillit et changea de visage. Les écailles tombaient de ses yeux, et il se tenait de ne pas avoir deviné plus tôt que la protectrice de cette héritière dont il ignorait encore le nom, c'était la marquise. Et pourtant, comment aurait-il deviné, alors qu'il ne savait pas que Madame de Ganges s'appelait, avant son mariage, Mademoiselle de Marcillargues. Bardin, lui, ne s'émut aucunement. Il n'avait jamais entendu parler du marquis de Ganges. Son fils, qui venait d'apprendre le nom de l'homme tué sur le boulevard Jourdan, ne l'avait pas prononcé pendant la courte visite qu'il venait de faire au vieil avocat. « C'est presque un nom historique, dit le vieil ami de Madame Cormier. Il figure dans le recueil des causes célèbres. « Oui, j'essaie, répliqua l'estrigou. Celui qui les porte maintenant est les derniers de sa race, et il n'y lui fait pas honneur. C'est un très mauvais sujet qui a rendu sa femme très malheureuse. Je crois que j'ai été écrit. Tu m'as écrit qu'il s'était ruiné et qu'il ne vivait pas avec elle. C'est la vérité, mais je ne saurais rien à démêler avec lui, alors même qu'il serait revenu à Paris, car il ne s'est jamais occupé de la protéger, de son épouse. C'est à madame que j'aurai affaire. Dès demain, j'y m'y présenterai chez elle. Tu as son adresse? Un peu que je l'ai. Avenue Montaigne 22. Beau quartier, hein? Très beau, mais pas du tout près d'ici. Peu, les fiacres n'y sont pas faits pour les chiens. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas, mon vieux Bardin? Jamais de la vie. Qu'est-ce que j'irai faire chez cette dame? Tu m'aideras à lui expliquer la situation. Et puis, elle ne m'y connaît pas. Tu répondras des mois. Belle garantie, ma foi. Elle ne sait seulement pas que j'existe. Autant vaudrait, puisque tu es si timide, te faire accompagner par mon jeune ami ici présent. Et ça ne serait pas si mal imaginé. La jeunesse aime la jeunesse, et elle est jeune, ma marquise. Presque aussi jeune que sa protégée. Et si elle a tenu ce qu'elle me promettait, elle doit être très jolie. Dis donc, Paul, demanda Bardin en clignant de l'œil, tu ne serais peut-être pas fâché de la voir. Elle te présenterait à l'héritière. Je ne crois pas, murmura Cormier. Et au fait, s'écria l'estrigou, il faudra bientôt un mari à ma petite paysanne, et si monsieur lui plaisait. Je ne songe pas à me mettre en ménage, interrompit l'ami de Jean de Mirande, sans se préoccuper des regards courroucés que lui lançait le père Bardin. Le bonhomme revenait à son idée fixe, qui était de le conjoindre avec la fille aux 6 millions, et il enrageait de voir que Paul faisait de son mieux pour contrecarrer ce beau projet. L'Estrigou, du reste, semblait médiocrement disposé à l'appuyer, car il reprit « À t'y parler franchement, mon vieux Bardin, je ne serais pas très surpris que la petite eût déjà fait un choix. Elle a dû rencontrer des beaux messieurs chez la marquise, et elle peut bien avoir un sentiment. « Oh, elle ne manquera pas de prétendant dès qu'on saura qu'elle hérite, » grommela le père Bardin. « J'avais rêvé de la faire épouser au fils de ma vieille amie, mais il me paraît manquer d'enthousiasme. Et toi aussi. N'en parlons plus. Goûte-moi ce corton. Ça vaudra mieux que de causer des chimères que je m'étais fourré dans la tête. » L'Estrigou ne tenait pas du tout à s'étendre sur ce sujet. Il se recueillit pour déguster le nectar que Bardin venait de lui verser, et il déclara solennellement qu'il n'avait jamais rien bu qui en approcha. Ce grand cru bourguignon le remit en belle humeur et lui délia si bien la langue qu'il ne tarit plus en histoire du bon vieux temps. C'est tout au plus s'il laissait à Bardin le temps de lui donner la réplique. Leurs souvenirs de jeunesse défilèrent les uns après les autres, évoqués par le bonhomme qui se grisait en parlant. Il n'aurait pas fallu le prier beaucoup pour le déterminer à s'en aller finir sa soirée à la closerie des Lilas. Ce que voyant Paul Cormier, qui n'avait aucune envie de l'y conduire, fit signe au père Bardin qu'il en avait assez, et s'esquiva sans que l'Estrigou y prît garde. Il tardait à Paul d'être seul pour remettre un peu d'ordre dans ses idées fortement troublées par la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Madame de Ganges et mademoiselle de Marcillargues, protectrice de l'héritière, n'étaient qu'une seule et même personne. Paul n'en revenait pas, et il s'en alla par les rues du Marais, en s'efforçant de rattacher les uns aux autres des fêtes dont ils se souvenaient, et qui semblaient au premier abord n'avoir aucun lien entre eux. La lumière ne se faisait pas sur le passé de la veuve, ni même sur le présent. Comment avait-elle vécu depuis qu'elle avait épousé M. de Ganges? Où se cachait cette protégée, qui, s'il fallait en croire l'Estrigou, ne l'avait pas quittée depuis 4 ans? Un fait revint tout à coup à la mémoire de Paul. Il se rappela que dans le jardin de l'hôtel de Madame de Ganges, il s'était croisé avec une jeune femme merveilleusement belle. « Une de mes amies, » avait dit la marquise, et cette amie avait bien l'air d'être là chez elle. Était-ce l'orpheline aux 6 millions? Tout semblait l'indiquer. Et si c'était elle, l'Estrigou n'aurait pas de peine à la trouver. Madame de Ganges pourrait la lui montrer séance tenante, si elle consentait à le recevoir. Paul comptait voir le lendemain la marquise, et Mirande, en le quittant, avait annoncé l'intention de se présenter, lui aussi, le lendemain à l'hôtel de l'avenue Montaigne. « Il faut absolument que je m'entende avec lui ce soir, » se dit Cormier. « Après son dîner, il a dû rentrer. Je suis à peu près certain de le trouver. » « Et s'il était sorti, je chargerai son portier de le prévenir que je reviendrai demain matin à la première heure, comme nous en étions convenus. Le boulevard Saint-Germain n'est pas aussi loin qu'on pourrait le croire de la rue des Arquebusiers, et en coupant au plus court, Cormier qui marchait vite ne mit pas beaucoup de temps pour y arriver. Les passants y sont rares, passé une certaine heure, et les boutiques s'éclairaient n'y abondent pas. En traversant la chaussée déserte, Cormier aperçut devant la maison où demeurait son ami un homme qui se promenait lentement, allant et revenant sur ses pas, sans jamais s'éloigner de la porte. En d'autres temps, Paul Cormier n'aurait fait aucune attention à cet homme, qui pouvait bien être un simple flâneur, mais depuis qu'il avait eu affaire à la justice, il était sur ses gardes, et il se défiait de tout. Ce gredin qui s'était mis à ses trousses après le duel et qui l'avait dénoncé au juge d'instruction continuait peut-être à l'espionner. Paul ralentit le pas, obliqua un peu à droite afin de ne pas aborder le trottoir devant la porte de la maison de Mirande, et observa, chemin faisant, l'individu qui lui paraissait suspect. Il n'eut qu'à l'examiner de loin avec beaucoup d'attention pour se convaincre qu'il ne ressemblait pas tout à fait à l'affreux Brunachon. Celui-ci était beaucoup plus grand et accoutré d'une toute autre façon. Longue redingote boutonnée, chapeau haut de forme, à large bord, enfoncé jusqu'aux yeux. Il avait l'air d'un sergent de ville en bourgeois. Dès qu'il aperçut Cormier, il démasqua la porte devant laquelle il avait l'air de monter la garde, et sans se presser, il s'éloigna. Cormier ne s'abusa point à le suivre, il n'y aurait rien gagné, même en supposant que ce personnage fût là en surveillance, et il n'avait aucune envie de se faire une affaire en allant regarder sous le nez d'un monsieur qui ne songeait pas à mal. Que lui importait qu'on le vît entrer chez Mirande? On savait bien qu'il était son ami, et même son complice, si on qualifiait de complicité le fait de lui avoir servi de témoin dans son duel. Et il avait hâte de raconter à Mirande ce qu'il venait d'apprendre chez Bardin, de le consulter même, quoique ce batailleur ne fût pas précisément ce qu'on peut appeler un homme de bon conseil. Paul n'avait qu'une peur, c'était de ne pas le trouver chez lui. Le portier le rassura, Mirande venait de rentrer. Ce fut lui qui vint ouvrir lorsque Paul sonna et, en le voyant, il s'exclama joyeusement. « Tu arrives bien, s'écria-t-il. J'allais passer ma soirée à avaler ma langue. Tu vas me tenir compagnie. Nous allons causer en fumant des pipes et en buvant des grogues. C'est que j'ai long à te raconter, murmura Paul. Et moi, donc, nous allons nous établir dans mon salon. Tu verras pourquoi. » Mirande occupait un joli appartement de garçon, pas très grand, mais très complet, qu'il s'était plu à meubler suivant ses goûts. Peu d'objets d'art, mais des collections de pipes de tous les pays et des ustensiles de salle d'armes accrochés à tous les murs. Masques, fleurets, épées de combat et le reste. Sur la table, des boîtes de cigares, des pots à tabac, des verres et une bouteille d'eau-de-vie, encore aux trois quarts pleines. « À toi la parole, » dit Mirande. « Après, ce sera à mon tour. Sieds-toi, verse-toi à boire. Allume ce que tu voudras, et vas-y de ta narration. Tu viens de dîner au Marais ?»« Je viens du Marais, mais je n'ai pas dîné, et je ne dînerai pas ce soir. Les nouvelles que j'ai apprises m'ont coupé l'appétit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'on va nous arrêter? Ce juge m'a pourtant dit... »« Il ne s'agit pas de ça. J'ai vu le père Bardin, et j'ai trouvé chez lui un monsieur qui arrive de Montpellier. » « C'est ça tes fameuses nouvelles ? Il arrive tout exprès pour voir Madame de Ganges. La marquise en question ? Celle qui m'accuse d'avoir troublé son existence ? Oui, laisse-moi achever. Tu n'as pas oublié que je t'ai demandé, de la part du père Bardin, des renseignements sur une famille de ton pays, la famille de Marcillargues. Je t'ai répondu que j'avais entendu parler de ces gens-là, mais que je ne les connaissais pas. Eh bien, Madame de Ganges est une demoiselle de Marcillargues, la dernière de sa race. » « Grand bien lui fasse, » dit Mirande en haussant les épaules. « Alors, ça ne t'intéresse pas de savoir qu'elle est comme toi du Languedoc et que tu as pu la rencontrer autrefois ?»« Ma foi, non. Tu m'as tenu tantôt un autre langage. Tu m'as dit que tu voulais absolument savoir comment tu as, s'il faut l'en croire, troublé sa vie. Je le veux encore, et je suis plus décidé que jamais à aller la voir demain pour le lui demander. Tu rencontreras peut-être chez elle l'ami du père Bardin. » L'homme qui est venu de Montpellier, tout exprès, pour s'aboucher avec elle, Monsieur Lestrigou, un ancien bâtonnier de l'ordre. Trop avocat à la clé, décidément. Ricana Mirande. Eh bien, je verrai ce qu'il a dans le ventre, ce bâtonnier. Paul eut sur les lèvres le mot qui aurait pu mettre sur la voie son ami Jean. Il ne lui avait jamais parlé de la protégée de Madame de Ganges, de cette orpheline qu'elle avait prise avec elle, depuis 4 ans, et qui ne savait pas encore qu'elle héritait de 6 millions. C'était le cas de mettre Mirande au courant de la situation. Et Paul n'en fit rien. Non qu'il voulût garder pour lui cette héritière, mais il se dit que ce secret ne lui appartenait pas, et que Lestrigou aurait le droit de trouver mauvais qu'il le confiât à quelqu'un, même à un camarade. Il se tut donc, et Mirande reprit gaiement. « Mon cher, tu me remets en mémoire la fable de La Fontaine, la montagne qui accouche d'une souris. Les révélations que tu m'avais annoncées si pompeusement me paraissent manquer d'intérêt. » « Pour toi peut-être, » interrompit Paul Cormier, « et encore, si tu voulais bien prendre la peine de réfléchir, tu reconnaîtrais qu'elle devrait t'intéresser aussi, ne fût-ce qu'indirectement. Pardon, cher ami, je ne suis pas amoureux de la marquise, moi. Si je tiens à l'interroger demain, c'est pure curiosité de ma part. Il me suffit qu'on ne me tracasse plus à propos de ce duel, et si j'ai bien compris ce que tu m'as laissé entendre, le fils de ton vieil avocat n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. » « Demain, je verserai la caution dont il a fixé le chiffre, et s'il ne finit pas par rendre une ordonnance de non-lieu, j'en serai quitte pour passer aux assises, où je serai acquitté. Ça me va d'autant mieux que j'ai de quoi m'occuper d'ici là. Une nouvelle maîtresse ? Ah non, par exemple. J'en ai assez de passer mon temps à m'amouracher de femmes dont je me dégoûte au bout d'un mois. Je cherche mieux. Quoi donc, mon Dieu ? Est-ce que tu rêves de te faire nommer député dans ton pays ? Je n'en suis pas encore là. » Ce sera bon quand j'aurai 50 ans. Maintenant, je voudrais tout bonnement vivre à ma guise. Il me semble que tu ne t'en prives pas. Tu t'amuses 24 heures par jour. Tu te figures ça? Eh bien, je m'embête à mort, et je n'aspire qu'à changer d'existence. Voilà du nouveau, par exemple. Depuis quand? J'aspirais depuis longtemps, sans m'en apercevoir. Vraiment? Je ne m'en doutais guère. Il n'a fallu qu'une occasion pour m'éclairer. Sur tes sentiments? Tu l'as dit. Il me manquait quelque chose, et je ne savais pas quoi. Je le sais maintenant. Il me manquait un intérêt dans ma vie. Tu tournes toujours dans le même cercle. Explique-toi un peu plus clairement. Quelle espèce d'intérêt ? J'éprouvais sans m'en douter le besoin de m'attacher. À qui ? Tu viens de me dire que les femmes t'écœuraient. Et, je te le répète, je me suis découvert une autre bosse. Et comme Paul le regardait d'un air ébahi, la bosse de la paternité, reprit Mirande. Elle est forte, celle-là. Du diable si j'aurais deviné que tu ambitionnes de t'élever à la dignité de père de famille. Non, pas précisément, mais... Alors, marie-toi, avec les avantages que tu possèdes, si tu t'y décides, ce sera tout fait. Peut-être, mais je ne m'y déciderai pas. As-tu un bâtard à reconnaître ? Non, heureusement. Alors je ne vois pas comment tu t'y prendras pour te procurer la joie que tu rêves, à moins que tu ne t'adresses à l'hospice des enfants trouvés. Là, tu n'auras que l'embarras du choix. Ce ne serait pas si bête, mais je n'ai pas besoin d'y aller. J'ai mon affaire. Viens un peu avec moi que je te montre ça. Paul, ahuri, se leva et suivit son ami qui se dirigeait vers la chambre à coucher, séparée du salon où il causait par une portière en tapisserie. Mirande s'approcha en marchant sur la pointe du pied, souleva doucement le rideau et dit tout bas « Regarde-le dormir ». La chambre était éclairée par une lampe dont un abat-jour adoucissait la lumière. Allongé sur un canapé, la tête appuyée sur un coussin et les jambes enveloppées dans un burnous, un enfant dormait à poing fermé. Cormier avait complètement oublié ce qui s'était passé sur la terrasse et à la grille du Luxembourg, mais il reconnut tout de suite le singulier garçonnet que Mirande y avait trouvé. « Quoi » s'écria-t-il, « c'est à propos de ce petit malheureux que tu me tiens de si beaux discours ?»« Pas si haut, » murmura Mirande en mettant un doigt sur ses lèvres. « Tu vas le réveiller, et il a besoin de repos. Laissons-le dormir, et revenons à nos grogues, et à ce que je te disais. » « Décidément, » dit Paul quand ils eurent repris leur place à table, « tu es encore plus fou que je ne pensais. Comment tu as emmené cet enfant ?»« Parfaitement, mon cher, et je ne regrette pas du tout de l'avoir emmené. » répondit Mirande sans s'émouvoir. Où l'as-tu conduit, bon Dieu ? Dîner chez Foyot, avec Vera et Maria, que j'ai rencontré en chemin rue de Vaugirard. Jolie société pour un morveux de son âge. Si tu l'avais entendu comme il les a traités, il les a appelés vilaines. Je me tenais les côtes. Tu n'as pas honte de l'avoir fait servir à l'amusement de ces balocheuses, et tu te figures que tu as la bosse de la paternité ? Je l'ai, et je m'en vante. Je parierais qu'elles l'ont grisé, le petit malheureux. Pas du tout, je m'y serais opposé. Et du reste, il ne se serait pas laissé faire. Il a une volonté, je t'en réponds. Parbleu, je l'ai bien vu, tantôt, quand il se chamaillait avec l'adjudant. Il a dû recevoir une drôle d'éducation. Pas si mauvaise. Quand il parle, il s'exprime comme un enfant de bonne famille. Seulement, il a mauvais caractère. Il s'est fâché 10 fois depuis que nous l'avons rencontré. Par contre, moi, par exemple, il ne me fait que des risettes. On dirait qu'il m'a toujours connu. Les affinités électives, parbleu. Il a deviné que tu as toi-même un affreux caractère. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Je le crois, dit sérieusement Mirande. Bon, mais il n'a donc pas de mère, qu'il se jette comme ça à la tête du premier venu. Pas de mère, il en a 2 à ce qu'il dit. Et combien de pères ? Demanda ironiquement Cormier. Pas même 1, je crois. Très bien, voilà ton affaire. Tu lui en serviras. Si les 2 mères veulent bien y consentir. Tu aurais bien dû commencer par leur demander. C'est ce que j'aurais fait si j'avais su où les trouver, c'est-à-dire où trouver la vraie, car je suppose que la mère numéro 2 est une tante ou une sœur aînée. Mais il n'a pas su me donner l'adresse. Il sait bien où c'est, et il reconnaîtra la maison. Mais il paraît qu'elle est très loin d'ici, cette maison, et le soir il n'aurait pas pu trouver son chemin. Bon, je reviens à l'idée que j'ai eue tantôt. Ses excellents parents ont voulu se débarrasser de lui. Et puisque tu as été assez sot pour le recueillir, ils vont te le laisser sur les bras. Eh bien, il me restera, c'est ce que je demande. Ah ça, d'où est venue cette subite démangeaison de paternité ? Que veux-tu que je réponde ? Je n'en sais rien. Ça m'a pris tout un coup, et ça me tient ferme. La voix du sang, peut-être, ricana Paul Cormier. Ça expliquerait tout, et j'y ai bien pensé, répondit très sérieusement Mirande. Mais j'ai eu beau interroger ma mémoire, je n'y ai rien trouvé qui puisse me permettre de supposer que j'ai jamais été père. On peut l'être et ne pas s'en douter, Jean de Mirande, ou le père sans le savoir, drame en beaucoup d'actes. Blague tant que tu voudras, je suis enchanté de ce qui m'arrive, je ne m'ennuierai plus. Tu vas te faire le précepteur de ce petit, et sa bonne par-dessus le marché, car il est encore à l'âge où on a besoin d'être mouché, ce sera en effet très gai. Ne t'inquiète pas, je lui donnerai tous les maîtres qu'il faudra. Mais je lui apprendrai moi-même l'équitation, l'escrime. Il la boxe pendant que tu y seras. Pour peu qu'il profite de tes leçons, ce sera un gentleman accompli. Mais me feras-tu le plaisir de me dire si tu te proposes de le garder sans essayer de retrouver la mère ?»« Oh non, » dit sans conviction Mirande. « Le petit m'a dit qu'elle vient tous les jours au Luxembourg, sur la terrasse où il était resté, quand nous l'avons rencontré tantôt. Je l'y mènerai demain, et si elle y est, il faudra bien que je me résigne à lui remettre. Je serais bien curieux de la voir. Rien ne t'empêche de te trouver là. Je compte y passer l'après-midi. » « Je ne sais pas si je pourrais venir. Je tiens absolument à voir demain Madame de Ganges. Moi aussi, parbleu, je tiens à la voir. Mais il y a Tambourtou, et maintenant que j'ai charge d'âme... » « Tu es superbe dans ce rôle-là. Heureusement, ton sacerdoce va prendre fin si tu remets la main sur l'une des deux mères de cet énigmatique garçon. Oui, énigmatique, car tu auras beau dire, un enfant ne se perd pas comme ça. Il y a certainement quelque chose là-dessous. C'est possible, mais je m'en moque. Sais-tu bien aussi que tu prends mal ton temps pour t'embarquer dans une nouvelle affaire quand nous en avons déjà une terrible sur le dos ? L'instruction n'est pas close, et le gredin qui m'a dénoncé n'a pas dit son dernier mot. Tout à l'heure, je viens de voir un homme qui se promenait sur le trottoir devant la porte et qui avait l'air de surveiller ta maison. Te voilà comme Vera, qui voit des espions partout. Pendant que nous dînions chez Foyot, elle m'a montré un individu planté au coin de la rue de Vaugirard, et elle a prétendu que c'était un mouchard. Vera s'est peut-être trompée, mais moi, je suis sûr d'avoir bien vu. Et je parierais que l'homme y est encore. » Mirande alla ouvrir la fenêtre tout doucement, se pencha en dehors pour regarder dans la rue et revint dire à Paul. « C'est vrai, il se promène sur le trottoir. Mais rien ne prouve qu'il nous guette. Et puis, que nous importe? Maintenant que j'ai tout dit au juge d'instruction, nous n'avons pas besoin de cacher ce que nous faisons. Ce n'est pas la police que je redoute. Qui donc alors? Je ne sais pas, mais je crains tout. Et moi, je ne crains rien. Nous ne serons jamais d'accord. Parlons d'autre chose. » « À quelle heure verras-tu demain cette marquise ?»« À l'heure où il lui conviendra de me recevoir. Je me présenterai chez elle dans la matinée. Très probablement, elle ne me recevra pas, mais je lui ferai savoir que je reviendrai dans l'après-midi. Et j'espère que cette fois je serai admis. Pourquoi me demandes-tu cela ?»« Parce que, toute réflexion faite, je ne la verrai que plus tard. J'avais pensé à t'accompagner avenue Montaigne, mais je préfère rester libre de disposer de ma journée. Il peut arriver tant de choses. » « Comme tu voudras. Je crois du reste que nous ferons mieux d'y aller séparément, » dit Paul, qui ne tenait pas du tout à emmener son ami chez Madame de Ganges. « Demain, » reprit Mirande, « je ne m'occuperai que de mon moutard. Le matin, je causerai longuement avec lui et je tâcherai d'en tirer des renseignements sur ses mamans, comme il les appelle. Il ne demande qu'à parler, et il ne parle pas comme un enfant. Il parle clairement, posément, comme un petit homme. Ce soir, il s'est endormi à table parce qu'il était fatigué. Mais demain il sera éveillé comme une potée de souris. Je le ferai bien déjeuner, et après déjeuner, grande promenade au Luxembourg. Je m'y établirai avec lui, et pendant qu'il s'amusera, je fumerai d'innombrables cigares. J'y resterai jusqu'à la nuit s'il le faut, et si je ne le vois pas se jeter dans les bras d'une femme, j'en conclurai qu'on l'a perdu exprès et qu'il n'a plus au monde que moi. Jolie perspective, dit Paul en faisant la grimace. Tu ferais beaucoup mieux de le conduire chez le commissaire de police de ton quartier. Ce commissaire recevrait ta déclaration. Il donnerait des ordres pour qu'on cherchât les parents du petit, et il te marquerait un bon point comme ayant bien agi. Tandis que si tu te tiens quoi, on saura tout de même que tu as chez toi un enfant qui ne t'appartient pas et... Chut, fit Mirande, en prêtant l'oreille et en baissant la voix. Écoute, il me semble qu'il appelle. Non, murmura Cormier, il rêve tout haut. Mirande quitta encore une fois sa place, et se rapprocha sans bruit de la tapisserie qui séparait le salon de la chambre à coucher. Il était curieux d'entendre ce que le petit disait en dormant. Paul fit comme lui, quoique le dormeur l'intéressât beaucoup moins. Ils n'entendirent que des mots sans suite, parmi lesquels revenait souvent un nom, « Maman Jacqueline ».« Bon, » murmura Mirande, « il rêve de sa mère. »« Sa mère, » dit tout bas Paul. « Quoi, sa mère s'appelle Jacqueline ?»« Une de ses mères, puisqu'il en a deux, mais il parle plus souvent de celle-là que de l'autre. » C'est sa préférée. Ce nom pour Mirande était un nom comme un autre. Pour Cormier, ce fut une révélation. Il n'avait jamais oublié que dans le fiacre où il était monté avec elle, le jour où il l'avait vue pour la première fois, Madame de Ganges, au moment où il allait la quitter, il lui avait dit « Quand vous passerez à moi, pensez à Jacqueline. » On les compte les femmes qui s'appellent Jacqueline. Et il était étrange qu'il s'en trouvât deux à porter le même nom parmi les habitués de la terrasse du Luxembourg. L'enfant avait dit que sa maman y venait tous les jours. Faut-il en conclure qu'il était le fils de la marquise et que c'était elle qui l'avait oublié sous les marronniers où les deux amis l'avaient trouvé? Paul était tenté de le croire. Et si Madame de Ganges était la mère de l'enfant, M. de Ganges n'était pas son père, car ce malheureux gentilhomme, en se confessant à Cormier, avant le duel où il avait succombé, n'aurait pas manqué de lui parler de son fils, s'il en avait eu un. Ce fils, d'ailleurs, s'il eût été légitime, eût été élevé ostensiblement dans l'hôtel de l'avenue Montaigne, et la marquise ne l'y aurait pas laissé, lorsqu'il lui arrivait d'aller passer l'après-midi dans un jardin public. Il était donc bâtard ou adultérin, suivant qu'il était né avant le mariage de Mademoiselle de Marcillargues, ou bien pendant une des longues absences du mari, et Madame de Ganges le faisait élever en cachette. Mais elle ne se privait pas de le voir souvent. Ainsi s'expliquait la naïve erreur de l'enfant, qui croyait avoir deux mères. L'autre, c'était une femme chargée de le garder. Maman Jacqueline était la vraie. Et cette marquise, que tout le monde croyait irréprochable, avait une grosse tare dans sa vie. Paul tombait du haut de ses illusions, et sa figure s'allongeait à vue d'œil. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demanda Miranda. « Est-ce que tu connais une Jacqueline ?»« Moi, pas du tout, » répondit vivement Cormier, qui n'avait garde d'exposer ses perplexités à son turbulent camarade. Et presque aussitôt il reprit. « Comment s'appelle l'autre ?»« La mère numéro 2 ?»« Je n'en sais rien. Le petit ne m'en a rien dit. Et je n'ai pas pensé à le lui demander. Il me le dira demain. Ça t'intéresse donc ?»« Oh, c'est pure curiosité de ma part. » Ta curiosité sera satisfaite. Je ne suis pas comme toi, qui m'as caché tant que tu as pu ton histoire avec la marquise. Je ne ferai pas le mystérieux à propos de cet enfant. Et de quelque façon que tourne l'aventure, j'agirai au grand jour. Tu auras bien raison. Je prévois du reste que le dénouement ne se fera pas attendre. Demain soir, après ma promenade au Luxembourg, je serai fixé. Moi aussi, se dit Cormier, qui se promettait de raconter toute l'histoire à la marquise et de lui demander hardiment ce qu'elle en pensait. Après ce court échange de questions et de réponses, la conversation cessa, et chacun des deux amis s'absorba dans des réflexions qui n'avaient pas le même objet. Miranda se remit à caresser sa chimère de paternité, et Paul à rappeler ses souvenirs, à seule fin de se faire une idée nette du cas de Madame de Ganges. Après tout, il l'accusait sans preuve, sur de simples apparences fondées sur une coïncidence de noms. Le jour où il l'avait rencontrée au Luxembourg, l'enfant n'était pas avec elle. Peut-être jouait-il plus loin sur la terrasse, sous la surveillance de sa bonne ou de sa nourrice, mais si elle eût été avec sa mère, elle ne serait pas partie sans l'embrasser. Restait le nom, ce nom de Jacqueline qu'il donnait à sa maman, et qui était resté gravé dans la mémoire de Paul, depuis le voyage en fiacre de la rue de Vaugirard au rond-point des Champs-Élysées. Il se souvint tout à coup que Madame de Ganges en avait un autre, la baronne d'Ozulé, en lui parlant et en parlant d'elle, l'avait appelée « ma chère Marcel », devant 15 personnes assemblées, dans le hall à ciel ouvert où elle recevait ses invités. Donc ce joli prénom était bien celui de la marquise. Pourquoi en avait-elle pris un autre? Probablement parce qu'elle ne voulait pas dire le véritable à un homme que peut-être elle ne reverrait jamais, et que, à ce moment-là, elle le connaissait à peine. Et sans doute, elle avait dit le premier qui lui était venu à l'esprit, Jacqueline, comme elle aurait dit Jeanne ou André. Ce raisonnement fondé sur un fait rasséna Cormier, et de peur de s'assombrir de nouveau, en écoutant discourir Jean de Miranda, il prit le parti de s'en aller. Ils avaient assez parlé de l'enfant, le sujet était épuisé, et ils n'avaient plus rien à se dire. Miranda ne demandait qu'à se remettre à veiller sur le sommeil du mystérieux gamin qui l'hébergeait. Cormier ne songeait qu'à rentrer chez lui, pour rêver solitairement à la marquise. Ils se séparèrent donc d'un commun accord, en se disant « au revoir et à demain ». Mais sans prendre de rendez-vous précis. Ils pressentaient l'un et l'autre que des incidents imprévus dérangeraient leurs projets, et il leur suffisait de savoir que si rien ne les en empêchait, ils pourraient se retrouver au Luxembourg. Le petit dormeur ne donna plus signe d'existence avant le départ de Paul, qui se garda bien de le réveiller. Le temps avait marché, et il était assez tard lorsque Cormier descendit. Cependant, le portier n'était pas couché. Il tira le cordon sans attendre que l'ami de son locataire frappât au carreau de la loge. La porte de la rue s'ouvrit sans bruit, et au moment où Cormier posa le pied sur le large trottoir du boulevard Saint-Germain, il faillit heurter un monsieur, qui passait et qui se retourna pour l'éviter. Il y avait justement là un bec de gaz, dont la clarté tomba en plein sur le visage de ce promeneur, que Paul avait déjà remarqué en arrivant, et que cette fois il reconnut. L'homme le reconnut aussi et fit un bond de côté, en tournant le dos et en s'éloignant à grands pas. c'était le personnage qui avait eu Maria partir au Luxembourg avec Mirande, et le lendemain avenue Montaigne avec Paul, quand il s'était présenté pour voir la marquise. C'était le garde du corps de Madame de Ganges, ancien ami de son père, disait-elle, et ancien militaire. Il s'appelait Monsieur Coussergue, et certes, il n'était pas de la police, quoiqu'il fût évidemment là en surveillance, comme un simple agent. Il y avait, sans nul doute, été envoyé par la marquise, et ce n'était pas à Paul Cormier qu'il en avait, car il n'abandonna pas sa faction pour le suivre, et Paul ne s'avisa pas de l'interpeller, car il devina sans peine ce qu'il faisait là. Il gardait l'enfant. Il avait dû le suivre de loin, depuis que Mirande l'avait emmené du Luxembourg. Il avait pour mission de rester devant la maison où l'enfant allait passer la nuit, d'y rester jusqu'à ce qu'il en sortît, et de ne pas le perdre de vue jusqu'à ce qu'il rencontrât sa mère. La lumière se faisait enfin. La mère, c'était bien Madame de Ganges. Elle avait laissé l'enfant au Luxembourg pour que Mirande l'y trouvât, et elle avait fait la leçon au petit pour qu'il se laissât conduire par Mirande, qu'elle avait dû lui désigner de loin sans se montrer elle-même. Tout cela était le résultat d'un plan combiné d'avance, et la journée du lendemain dénouerait la situation, car Mirande, renseignée par l'intelligent gamin, ne manquerait pas de le ramener à l'endroit où il l'avait trouvé. Mais pourquoi Mirande? Elle le connaissait donc, d'ancienne date? Oui, puisqu'elle l'avait dit à Paul Cormier, qui l'accompagnait en voiture. Alors comment Mirande, en l'abordant sur la terrasse, ne l'avait-il pas reconnue? C'était incompréhensible, et Paul, tout en regardant son domicile de la rue Gay-Lussac, se creusait inutilement la tête pour tâcher de trouver la clé de ce mystère. Et cette pensée lui revenait sans cesse. Le père, c'est Mirande. Voilà pourquoi Madame de Ganges m'a tant interrogé sur lui. Il est père sans le savoir. Tout est possible. Une aventure de voyage, la nuit, avec une femme dont il n'a pas vu le visage. Elle n'a peut-être pas su qui il était. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle l'a appris. Et depuis qu'elle le sait, elle cherche à le revoir. Elle n'ose pas s'adresser à lui directement. Et elle emploie des moyens détournés pour l'attirer à elle. C'est de moi qu'elle s'est servie, le jour où elle nous a vus ensemble. Elle s'est dit qu'elle n'aurait pas de peine à me séduire, et que je serais entre ses mains un instrument docile. J'ai été sa dupe, et j'ai joué un rôle ridicule. Il faut qu'elle soit folle de lui, puisqu'elle n'a pas renoncé à le ramener. Lorsqu'elle a su qu'il avait tué son mari, cette femme est un monstre. Ainsi déraisonnait Paul Cormier, oubliant des faits qu'il connaissait bien, et qui prouvait que ses suppositions n'avaient pas le sens commun. La passion l'aveuglait à ce point qu'il aurait nié l'évidence, plutôt que de convenir qu'il se trompait. Il en était à former des projets de vengeance contre une femme qu'il aimait. Il souhaitait que Brunachon le dénonçât comme ayant fait assassiner son mari. L'accusation ne tiendrait pas debout, mais la marquise n'en serait pas moins perdue de réputation dans le monde où elle vivait. Il n'en voulait pas à Mirande, mais elle, il la haïssait autant qu'il l'avait adorée. Ou du moins il croyait la haïr, car il n'y voyait pas encore très clair dans les sentiments qui l'agitaient. Et il se jurait d'en finir avec elle. Mais avant de la chasser de son cœur, qu'elle occupait tout entier, il voulait se donner la satisfaction de lui dire ce qu'il pensait de son indigne conduite. Il l'avait condamnée sans l'entendre. Il résolut de l'exécuter dès le lendemain, et il rentra chez lui sans se demander si la nuit ne lui porterait pas conseil.